donc c'était Test of Sugar avec donc une chanson assez en dessous de la ceinture hein, quand même, mais qui est super bien. Donc là on va commencer avec la chronique de Liv, mais tout d'abord vous avez Scream à la technique et le slasher au choco, et n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook et la chaîne YouTube, vous aurez toutes les informations nécessaires. Et vous avez entendu le jingle, encore merci à Rico de nous avoir fait ce jingle, merci. Donc là on va commencer avec la chronique de Liv, on va parler de deux livres qui me tient très fort à cœur. On va commencer avec le livre de Monsieur Pompon, hein, ben, on va dire le Francis Aigut de la Belgique, hein, un très très grand connaisseur du métal que vous avez dû voir en interview chez Rive d'Enfer. Tout sera sur la page Facebook de Rive d'Enfer pour ça. Donc là, c'est le livre Jacques de Pierrepont, le heavy metal de Black Sabbath au Hellfest. Donc l'écrivain, c'est Jacques de Pierrepont. Et l'illustrateur, c'est Hervé Bourris. Et donc là, on va lire tout de suite le synopsis. Le heavy metal de Black Sabbath au Hellfest. Cerner la communauté metal et les nombreux attributs qui les ont composés, y trouver dans ses multiples sous-genres, du thrash au black, saisir les codes du signe des cornes au diabolus in musica, comprendre comment le métal dit satanique coexiste avec du métal chrétien, découvrir les véritables qui se sont ployés dans le monde entier. Donc on va voir tout ce qui s'est passé dans le monde du métal avec ce livre, de partant de l'anecdote de AC/DC, Baldam in Belgium. Déjà pourquoi ça? Parce que tout simplement ils ont joué en Belgique et ils jouaient trop fort et les voisins se sont plaints. Il y en a qu'un mec qui avait pissé sur la façade d'une femme et elle s'était plainte, elle avait appelé la police, elle avait dû arrêter le concert, carrément les flics qui se pointaient sur scène en train de pointer à AC/DC avec leur pistolet. Donc là où est devenu le titre Bordel en Belgique, Baldam in Belgium. Donc un très très bon livre que je vous conseille, les dessins sont super bien faits, tout est bien chez Slim, à part un petit point que j'aime pas trop, c'est que en fait les pages sont fort bourrées, donc on sait pas où mettre les yeux tellement qu'il y a d'infos sur une page. Mais en tout cas, un livre super bien fait de Jacques de Pierrepont et de Hervé Bourris, qui est au prix pas vraiment pas cher de 10€. Voilà, c'est pas cher, hein, les loulous. Maintenant, on va parler de Walking Dead. Ah bah déjà qu'il y a la saison 8 qui va peut-être être là, mais en ce moment, ils ont un peu de dispute avec AMC pour question de droit, mais vous tracassez pas, hein, Walking Dead va remporter et ils vont y arriver. Donc, alors là, c'est un très très gros livre, ce n'est pas la BD. Et oui, c'est le Making of, donc le guide officiel de la série. Je vais vous lire le synopsis. The Walking Dead Making of est la seule source officielle pour tout connaître sur l'adaptation de la série à la BD à la télévision. Genèse du comics commenté par Robert Kirkman, Tony Moore et les éditeurs d'images. Rencontre avec le réalisateur-producteur Frank Darabont. Interview des acteurs de l'équipe du tournage. Photographie et illustration inédite. Walking Dead, Making of, renferme tous les secrets de la série Phénomène d'AMC. Donc c'est un très très gros livre, hein, plus de 100 pages, donc il est vraiment énorme. Et franchement, ce qui est bien, c'est qu'on en apprend tout sur la BD et sur la série. Donc par exemple, la confection de Bicycle Girl, en gros, sur le bas, ils avaient mis un jean bleu pour faire tout simplement une accrochation que je vous avais parlé dans l'émission précédente. Vous pouvez y retrouver le podcast sur la page Facebook. Donc ce livre est un peu petit plus coûteux, il est au prix de 20€, mais franchement, il faut vraiment investir dedans parce qu'il est super bien foutu. Par contre, c'est pour les lecteurs avertis, je tenais à le dire. Ce livre est sorti le 16 novembre 2011. Donc en plus, on va un petit peu parler de Walking Dead là. Pourquoi? Parce que y a eu l'extrait de la saison 8 qui a été dévoilé. Un extrait très rythmé. Et en plus, franchement, avec une musique très celtique. Hein. Et on voit à la fin, quelques secondes à la fin, Rick avec une grosse barbe, Rick vieux. Et donc là, les internautes et tout ont demandé à Frank Darabont ainsi qu'à Robert Kirkman. Il a tout simplement répondu, on verra ça sur le vieillissement de Rick dès le premier épisode. Donc ce qui veut dire Rick vieux, qui veut dire Judith adulte. Donc c'est ça qui nous tracasse un petit peu. Est-ce que dans le futur, on va voir d'autres personnages qui seront morts ou quoi? C'est ça qui nous tracasse un peu. Et j'espère bientôt, que j'ai lu un tout petit peu la BD, qu'il y aura l'arrivée des chuchoteurs. Parce que si c'est ça, ça va bien partir en steak comme il faut. Donc là, on va s'écouter BVSMP avec I Need You. Yo, hey, check this out. We'll be right back. I met you, it was love at first sight. I feel like I'm filling out an application. So read my resume, I have no hesitation. Every time I see a girl, I fall in love again. Wishing we could be more than just friends. I'll be there whenever you take a fall. We'll live happily ever after all. No fussing or fighting, we sing a song. If you were to cry, I'll weep alone. Cause you're my girl and you shine like gold. You are hard to get, but won't be hard to hold. I think about you from dusk to dawn. And the sound of your voice tell me carry on. And that look in your eye, it makes me weak. Cause you're a quiet female, you hardly ever speak. May not be good at real romance, but I could do my best if I can get my chance. I need you. SMP avec I Need You, un très très bon titre quand même. Donc là on va passer à la prog du Forever Moucron. Donc là en premier il y a ça, j'ai envie de le voir, ça donc qui dure 2h15, il est sorti aujourd'hui, voilà, il arrive aujourd'hui. Il y a Au Témoin d'un doute qui dure 1h40, 7 jours pas plus, une durée de 1h31, Seven Sisters, un très très bon film apparemment, d'une durée de 2h04, Hitman et Body Girl avec le fameux Deadpool et Samuel L. Jackson qui dure 1h58. Les As de la Jungle, donc une adaptation Boomerang qui nous vient en film qui dure 1h37. Everything Everything d'une durée de 1h36. Annabelle, la création du mal d'une durée d'1h49 qui a d'être super bien aussi. Mais ma préférence quand même est pour ça. Le monde secret des émojis de 1h26. Baby Driver de 1h53, Dunkirk pour les anglophones, ou Dunkerque, donc qui dure 1h47, Spider-Man Homecoming de John Watts d'une durée de 2h14, La Planète des Singes Suprématie d'une durée de 2h20, Moi Moche et Méchant 3 de 1h30, Cars 3 de 1h49. Donc déjà, ça, c'est le phénomène de cette année. Et même le père du petit Pennywise, eh ben, il valide ce film. Il dit qu'il est totalement bien et très, très surprenant. Donc on va voir ce que ça donne. Hein, peut-être aller le voir et vous faire une petite chronique. Donc là, on se fait une petite pause avec Bitter of Alone, qui est une édition anglaise. FM, le seul compromis, la bonne musique. Fais pas ci, fais pas ça. Regarde ceci et pas cela. Voili voilou, c'est touche à tout. Donc voilà, vous avez encore réécouté le jingle, hein, super, merci. Donc là, en fait, c'était Bitter Alone avec une UK edit. Donc vous pouvez tout retrouver sur la page Facebook et YouTube pour les infos. Touche à tout. Et donc, encore une bonne rentrée à tous les collégiens, Scream à la technique et le slasher au choco. Donc là, on va vous faire quelques conseils pour bien commencer sa chaîne YouTube. Donc déjà, YouTube est une plateforme rachetée par Google, hein. Ça, tout le monde le sait, créée en 2006 par le créateur de PayPal et d'autres créateurs aussi. Et donc, en fait, je vais vous raconter aussi un petit peu l'histoire de YouTube. Donc, quand YouTube a été créé, il y avait les plus grands YouTubeurs français d'aujourd'hui, tels Norman ou Cyprien sur Dailymotion. Après, ils ont vu YouTube, ils ont réussi à s'orienter. Mais à l'époque, YouTube avait quelques petits problèmes, parce qu'ils voulaient vraiment s'orienter vers la télévision. Et donc, du coup, YouTube a été en chute libre pendant une période. Et là maintenant, en plus, petit coup de gueule avec l'algorithme, on le remarque de plus en plus, hein, on va dire, question censure et tout. Je vais vous parler de ça aussi, comme ça, un petit coup de gueule en même temps. Genre, je fais des vidéos sur YouTube, de la chaîne Touche à tout et Le Coin Métal, et on a reçu un album, et le nom de l'album du groupe, c'est Porn. Et donc, du coup, ils m'ont démonétisé, parce que je dis un gros mot, mais non, ce n'est pas un gros mot, c'est juste... juste le nom de l'album, quoi. Et en plus, ils disent, si ne vous faites pas 1000 vues dans une semaine, nous n'analysons pas votre vidéo. Donc déjà, on fait pas attention aux plus petits, on fait attention qu'aux gros poissons. Donc c'est le petit inconvénient. Donc pourquoi commencer sur YouTube? Vous pourrez partager votre passion face à des internautes et à vos potes. Genre, si tu veux faire du gaming, tu fais du gaming, mais il y en a de plus en plus des gamers, et la plateforme est un peu pourrie grâce à ça. Tu peux faire des chroniques de livres, du make-up, ce que tu veux. Tu peux le faire du moment où que tu as au moins quelques matériels nécessaires et tout. Et donc déjà quelques conseils, fais ce que tu aimes. Si même un gars te dit « Ouais, fais du gaming, j'ai envie que tu fasses du gaming », tu l'écoutes pas, tu fais ce que t'aimes bien. Tu veux faire des présentations de Kinder Surprise, fais des présentations de Kinder Surprise. Maintenant, là, après on va vous parler du matériel, mais là... Petite pause et pour terminer la chronique, avant de terminer la chronique, donc c'est Bryan Adams avec Summer 69. I got my first real six string, rolled it out the five and dime, played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Nobody. I said, who's that? I said nobody. Donc c'était Bryan Adams avec Summer of 69. Donc là, je vous avais dit précédemment, faites ce que vous aimez, oui, tout à fait. Et il faut être, avoir quel âge pour commencer sur YouTube? Bon, moi j'avais commencé avant 13 ans, mais bon, tant que tu ne fais pas des trucs bizarres sur YouTube, que tu traînes pas avec des gens bizarres ou c'est rien du tout. Et donc, tu peux commencer n'importe quoi à ton sexe. Je sais que la majorité des filles ont peur de se lancer sur YouTube, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du regard des autres, fais ce que tu aimes. Je sais, parfois, tu vas recevoir des commentaires insultants. Ça m'est déjà arrivé de recevoir un commentaire insultant. Moi, je te dis clairement, j'ai pas la langue de bois. T'en as rien à foutre, voilà. Tu laisses aller, tu laisses couler. Et donc maintenant, comment s'inscrire sur YouTube? Ben, c'est tout simple. Il te faut déjà une adresse email, donc tu crées ton adresse email. Et après, tu vas sur YouTube, tu fais se connecter ou s'inscrire. Tu valides ton adresse mail, tu crées un mot de passe et c'est bon. Après, pour prendre ton avatar, tu en choisis un, mais il faut choisir bien sûr une taille précise, hein. Et vaut mieux créer sa bannière qu'en prendre sur Google, vu qu'il faut faire gaffe aux droits d'image aussi. Ou sinon, tu peux te faire bloquer du jour au lendemain. Donc, vaut mieux créer ta bannière, même si elle n'est pas terrible. Après, ça va évoluer. Tu peux demander à des GFX de t'en faire gratuitement. Ça existe. Tu peux aussi faire des intros. C'est toujours bien avant de commencer. Et aussi, maintenant, une fois que tu as fait, il faut commencer avec ta première vidéo. Moi, je ne l'ai pas fait, mais je te conseille de faire une vidéo présentation d'à peu près 35 secondes ou une minute. Ça dépend de toi ce que tu fais. Et tu présentes ta chaîne, ce que tu pourrais retrouver, comment tu t'appelles, etc. Et aussi, tu n'es pas obligé de dire « je m'appelle machin ». Tu peux aussi, bien sûr, utiliser un surnom comme moi, le slasher, c'est sûr. Et donc maintenant, pour la monétisation, Scream a eu la blague sur sa chaîne YouTube. Moi, je l'avais eu avant, mais bon, en fait, la monétisation, tu l'as qu'à partir de 10 000 vues maintenant. C'est une réforme qu'a fait YouTube. Donc, il faut que tu aies quand même 10 000 vues. C'est quand même un assez gros nombre, 10 000 vues. Ça, on peut vous le dire, 10 000 vues quand même. Et à ce moment-là, tu pourras débloquer. Mais même si tu crées ta monétisation, il va falloir attendre au moins une semaine ou quoi que le Google AdSense analyse ta chaîne YouTube pour voir si c'est en validation ou pas. Et donc, le matériel. Ah là là, le matériel. Donc moi, sur YouTube, j'ai commencé depuis 2014 avec la chaîne CM Émissions de Magie. Allez, regardez, vous allez vous marrer. J'ai commencé tout simplement pour filmer avec ma tablette. C'est une Samsung qui est une assez bonne qualité. Mais là, vous allez dire, quand vous allez regarder les vidéos, ouais, c'est de la 144p, c'est pas de la bonne qualité. Oui, elle filmait en HD, mais mon logiciel ne transformait pas en HD. C'est un logiciel que j'avais téléchargé légalement sur Play Store. C'est tout simplement Viva Video. Mais là, en plus, maintenant, il y a de nouveaux logiciels qui sont beaucoup mieux conseillés d'après des amis. C'est genre Filmora, etc. Et maintenant, comme matériel, maintenant, tu peux filmer avec ton smartphone basique. Hein. Maintenant, tous les smartphones ont une assez bonne qualité. Mais fais attention de ne pas mettre en contre-jour ou quoi, sinon on verra rien. Mais le plus important, ça fait au moins plus de 50% de la vidéo. C'est bien sûr le son. Je dois te parler du son. Comment bien commencer? Tu filmes avec ton téléphone, bah, rapproche-le de toi, mais le pas à 100 mètres de toi. On n'entendra rien du tout. Ou tout simplement, t'achètes un petit micro-cravate, ça coûte pas cher. Regarde, sur AliExpress, un petit site comme ça de vente, hein, de gadget, hein, c'est pas de la bonne qualité. Mais bon, j'en ai commandé un avec du prix de 50 centimes, donc c'est très très bas et ça fait l'affaire. Maintenant, une fois que t'as déjà un petit peu plus avancé sur YouTube, il va te falloir des éclairages. Et donc, il te faut un éclairage en 3 points ou pour si t'as moins de moyens. Ou si tu viens de débuter, bah va tout simplement chez Brico Dépôt. Tu pourras y retrouver des spots de chantier. Vous allez dire, c'est con, hein, les spots de chantier, mais ça sert toujours. À part que après que t'as tourné une vidéo, t'es en sueur comme je sais pas quoi. Parce que c'est super chaud et il faut veiller bien sûr à pas le mettre à côté de tissu pour pas que ça flambe quand même. Et donc maintenant que tu as pris tes spots de chantier, il faut bien sûr changer quand tu auras plus de moyens, c'est l'éclairage. Donc tu as bien sûr des softbox qui éclairent beaucoup mieux que les parapluies. En tout cas, moi pour ma part, j'ai deux parapluies. Un petit parapluie sur pied d'à peu près 50 cm qu'on met derrière pour le fond vert, je vais t'en parler. Donc il faut un éclairage en 3 points. Un éclairage devant, donc qui en l'occurrence pour moi la softbox qui éclaire beaucoup mieux. Sur ta gauche et ta droite, sur les côtés, il te faut d'autres softbox ou même des parapluies. Et derrière, si tu as un fond vert, Il te faut une petite lampe. Et donc voilà, maintenant t'as l'éclairage, t'as le son, maintenant il te manque quelque chose, c'est le fond vert. Donc si tu veux faire du gaming, je ne dis rien, si tu veux faire du gaming par exemple et te filmer en face, genre tu poses ta caméra sur ton bureau, ton téléphone, tu mets un fond vert derrière toi, comme ça les gens peuvent te voir dans ton gameplay et ils peuvent te voir et voir le commentary gameplay en même temps. Et tu vas me dire, ouais mais c'est emmerdant, comment synchroniser le son de la vidéo? Gling, là c'est un petit gadget tout con, on l'a acheté chez Action, donc un magasin gadget, un clap, où tu peux même en fabriquer un toi-même, ou même avec tes mains. Voilà, c'est déjà un clap. Et ça sert à quoi le clap? Tu peux bien le faire avec ta voix? Non, parce que le clap sur la timeline du logiciel de montage, pas Viva Video parce qu'il n'y a pas de timeline, ça fait un énorme pic et donc tu peux cutter au bon moment. Et donc maintenant on va parler du logiciel de montage. Donc tu peux commencer avec Viva Video, mais je te conseille pas, en tout cas avec les galères que j'ai eues avec, tu peux pas prendre à telle minute, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela. En plus j'avais payé l'application à l'époque à 5€ et je n'arrivais plus à l'ouvrir, c'est super. Donc là je te conseille franchement Sony Vegas Pro 13. Là j'ai arrêté Vegas parce que j'ai un petit peu de petits problèmes dessus, enfin c'est un peu compliqué. Donc là je me suis orienté vers Adobe Premiere Pro. Et franchement, waouh, Adobe Premiere Pro, je te le conseille, tu t'y habitues très très vite. Et c'est un logiciel super bien avec une grande qualité. Maintenant on va parler de la caméra. Quoi faire avec la caméra? Tu prends un petit caméscope ou quoi qui filme au moins en 720p. Donc là on va se faire une petite pause musicale avec Clio et Kay avec Street Groove. Do it. Donc c'était Clio et Kay avec Street Groove. Donc là, une fois que t'as tout sur YouTube, ton contenu, ta caméra, ton micro, ton son, ton fond vert, tes spots, ben t'as plus qu'à créer ton contenu et publier. Et je te souhaite très bonne chance et une très bonne aventure sur YouTube. Donc là, on va passer à la chronique pop. Donc là, j'ai choisi deux pop sur le thème de Star Wars, voilà, parce que bientôt, d'ici décembre, il y aura The Last Jedi. Donc, encore un nouveau Star Wars. Décidément, par contre, là, on dirait que pour les Star Wars, ils en font que pour le marketing, vu que ça sort comme par hasard tous les décembre. Bon, je ne juge pas, mais bon. Donc là, on va parler de mon pop favori et d'un autre que j'aime bien aussi. Donc là, on va vous parler de l'Holographic Emperor. Donc, c'est pour moi l'un des premiers pop que j'ai eu. Et donc, tout simplement l'empereur Palpatine, mais sur hologramme. Donc, c'est un Underground Toys exclusive qui brille dans le noir. Donc, sur le devant, on voit quoi ? On voit l'empereur Palpatine qui est là quand même de faire assez flipper. Et derrière le cellophane, on voit le fameux pop avec l'étiquette Underground Toys et Glow in the Dark. Sur l'autre côté, on voit tout l'empereur Palpatine et sur l'autre, le cellophane. Et derrière, on voit toute la collection. Donc, on a par exemple Luke Skywalker en hot, etc. Donc ce pop déjà est quand même bien à ses côtés, il vaut quand même 55$ je crois, donc il a déjà une très très bonne cote pour l'époque. Et donc franchement ce pop est super beau, rien à dire dessus. Et l'autre maintenant c'est un Stormtrooper, donc de Star Wars. Il est vraiment super bien foutu celui-là aussi, on voit son petit casque blanc, ses petites mains avec son petit fusil. Donc c'est de Star Wars, la Force, le réveil de la Force, The Force Awakens. Donc un super beau pop. On voit sur le côté bien sûr le petit pop, sur l'autre côté derrière le cellophane, bah la vraie figurine. Et derrière l'autre collection, dans celui-là il y a quand même 3 Stormtroopers, le Fire Trooper, le Snow Trooper et bah le Stormtrooper. Et donc là on va passer un petit peu, je vais vous parler de ce que Funko a dévoilé. Ils ont dévoilé Maman j'ai raté l'avion. Ça il avait dévoilé depuis quelques temps quand même. Ils ont dévoilé aussi Mad Max, Star Wars le dernier Jedi, Krampus maintenant, ils l'ont dévoilé hier, les Star Wars de la Comic Con, les Batman de la Comic Con. Donc ils en ont franchement dévoilé énormément. Et je sais pas comment on va faire avec les partenaires. Donc là, on se fait une petite pause musicale avec Depeche Mode, avec Personal Jesus, qui est un mix de pump. We'll be right back. que donc c'était Depeche Mode avec Personal Jesus, donc qui est un mix de Dope. Vous voyez, il n'y a pas que Marilyn Manson avec Personal Jesus. Donc maintenant on passe à la creepypasta. Ouh. Et donc là vous parlez de une certaine passion. J'adore regarder la télé jusqu'au plus loin que je me souvienne. J'ai toujours aimé ça, c'est un peu comme ma passion. C'est ridicule, vous me direz, mais vous méprenez. J'aime toutes les émissions ainsi que toutes les chaînes. Ça devient parfois difficile pour moi de choisir mon programme. Cependant, il y a un type de programme que je préfère. Plus loin que tous les autres, vous savez, c'est ces émissions qui reconstituent les meurtres, des viols ou d'autres affaires similaires. Je pourrais passer des heures à regarder ce genre de trucs. Je n'ai pas beaucoup d'amis proches, je suppose que c'est en partie à cause de mon addiction. Mais si je me suis réfugié là-dedans, c'est justement parce que je suis seul. Un foutu cercle vicieux duquel je ne peux pas m'en sortir. Et qui s'aggrave de jour en jour. Mais au fond, je supporte plutôt bien cette solitude. Je m'y suis fait au fil des années. Quelquefois, il m'arrive d'inviter des connaissances chez moi. Des personnes qui acceptent encore de faire partie de mon environnement social. Je leur propose donc à boire. Et après ça, c'est le moment d'installer devant mon poste de télévision. C'est loin l'instant que je préfère lors de mes soirées chez moi avec mes invités. Le programme débute. Un homme apparaît visiblement bourré. Bien comme il faut, il titube et on a du mal à comprendre ce qu'il raconte. Et puis il rejoint une fille à l'autre bout de la salle dans laquelle il se trouve une cuisine visiblement. On peut sentir à l'intérieur dans ses yeux de celui-ci la terreur dans ses yeux. L'homme s'approche d'elle de plus en plus d'un air menaçant, les yeux rougissant à cause de la drogue. Toujours en titubant lourdement, mais cours vite. Tu ne vois pas qu'il est dangereux ? Elle s'exécute alors malheureusement sa tentative en vain. Elle remarque qu'elle ne peut échapper de la pièce en ressentant la panique de l'homme. L'homme se jette sur elle, qui l'assassina par des coups de couteau violents au visage et se met à l'étrangler. Elle perd connaissance. Je regarde mes invités, j'espère qu'ils apprécient la soirée. En tout cas, ils ont l'air vraiment étonnés par le programme. L'homme se met à arracher les vêtements de la fille d'une façon la plus bestiale. Ensuite, il la viole. Et puis, c'est fini. L'homme saisit le couteau qui traînait sur la table à proximité de l'eau et égorge la fille. Son sang coule à flot, faisant un énorme tache sur le sol. Il regarde un instant le corps de la femme. Elle ne bouge plus. Il n'y a plus aucune once de vie en elle. Il se met à trembler et à regarder ses mains. Je crois apercevoir des larmes couler de ses joues, de la joue de l'homme. « Tu regrettes ce que tu as fait ?» lui dis-je. Il tremble de plus en plus. Il a visiblement l'air en état de choc. Et puis il récupère son couteau et se le plante à plusieurs reprises dans le cœur, jusqu'à ce qu'il finisse par succomber. Je me lève et j'applaudis. Je regarde mes deux invités gisant là au milieu de la cuisine. Je quitte mon poste d'observateur qui est le salon. Je déverrouille la porte de la cuisine. J'admire le bain de sang qui se trouve dans cette pièce. Tous les recoins ont été éclaboussés, la table, le carrelage, les murs, les baies vitrées s'emparant de la cuisine, du salon. Il faudra que je nettoie tout ça. Ce que je me débarrasse du corps, il faut que je me débarrasse du corps de mes invités. Mais il faut ce qu'il faut à peu près, j'aime vraiment la télé. Donc voilà, c'était la creepypasta très très malsaine quand même, sur un gars qui aime bien regarder la télé, des émissions tueurs, et il devient son tour tueur sans s'en rendre compte. Donc c'est très très malsain. Bon allez, on va relâcher la pression avec Diana Ross, avec Upside Down to Do. Me inside out and round and round. you turn me inside out and round and round. I know you got charm and appeal, you always play the field. I'm crazy to think you're all mine. As long as the sun continues to shine, there's a place in my heart for you, that's the bottom line. Diana Ross avec Upside Down, la marraine du regretté Michael Jackson, MJ, tu nous manques. Et donc là, on va terminer ça avec la chronique d'un film et d'une série. Donc là, je vous ai parlé de la creepypasta. Bon là, on va se taper de l'épouvante, hein, c'est pas vraiment le droit, c'est plus épouvante, avec l'Emprise des Ténèbres. Mais là, tu vas me dire, ouais, l'Emprise des Ténèbres, c'est un vieux truc aussi, ça date de 1988, pourquoi tu nous fais ça? Bah pourquoi? Parce que là, il y a eu la réédition de l'Emprise des Ténèbres, un super beau coffret Blu-ray avec un gros fascicule dedans, vraiment super bien. Un jeune archéologue, mentonné par une femme factrice, et donc là, en fait, il va se rendre compte qu'il y a des zombies, enfin pas vraiment des zombies comme on a l'habitude de voir, comme dans Walking Dead, des zombies. Je vais inventer l'expression voodoofier, voilà. Ils se sont fait envoûter par un voodoo et donc il va essayer de résoudre cette enquête. Mais il y aura de multiples rebondissements tout durant de ce film. Donc c'est réalisé par qui, hein? Par le maître de l'horreur, hein, Wes Craven. Le regretté Wes Craven, tu nous manques. Hein. Il y a maintenant notre petit Freddy et Scream qui sont en deuil, ils sont orphelins, et oui, c'est le réalisateur de Scream, La Colline à des yeux, Le Sous-sol de la peur, qui est un excellent film, quand même très malsain, Le Sous-sol de la peur, et donc le contenu de celui-ci, il y a un Blu-ray plus DVD plus livret, il sort le 6 septembre 2017. Donc dans les compléments, vous avez Jack Lemmon West, entretien avec le réalisateur Alexandre Aja. C'est qui Alexandre Aja? Celui qui a fait le remake de La Colline à des yeux, celui qui a fait Les Piranhas. Et oui, Piranha, qui est un film quand même assez violent et assez en dessous de la ceinture. Et donc un livret exclusif de 60 pages spécifiant et écrit par Albert Lewy. Donc le film dure 1h38, il est bien sûr en français. La raison du film, c'est 1080p, donc c'est vraiment pas mal pour un film de l'époque. Formation anglais et français DTS HD Master Audio. Donc aussi encore vraiment pas mal pour un vieux film. Et donc c'est au prix de 25€. Donc pour un Blu-ray avec un fascicule comme ça, c'est vraiment une édition limitée. Donc je vous conseille, courez dessus si vous êtes fan de films d'horreur, enfin d'épouvante, hein. Et donc là on va terminer avec une série TV. Donc déjà qui a quitté avec Mark Wahlberg, mais là il était producteur de cette série, c'est Shooter, oui, du même titre que le film d'ailleurs. Et donc là, c'est la continuité avec la saison 1 qui date de 2016. Donc je vais vous lire le synopsis. Bob Lee Schrager, un ancien tireur d'élite au sein des Marines, reprend du service pour déjouer une tentative d'assassinat à l'encontre du président des États-Unis. Mais lorsqu'il se trouve accusé du crime, il va devoir se servir de tout ce qu'il a appris au cours de sa carrière pour trouver les vrais coupables et les faire payer de ce qu'ils ont parce qu'ils l'ont piégé. Et ben voilà, donc c'est vraiment une série super bien. On s'attache à ce fameux Bob. Et mais par contre, comme Scream disait dans sa chronique, ce qui est un peu bateau, c'est que normalement en Amérique, quand t'es fugitif numéro 1, tu te balades pas comme ça. Tu vas pas chez le mécano ou quoi, hein, j'ai envie de te dire. On s'y attache au personnage, au petit Bob, et on a vraiment de l'empathie pour lui, qui se dit « Ah merde, ils m'ont fait ça et que c'est même pas moi qui a fait ça ». Et donc la fin est tout simplement épique, un excellent tireur d'élite, quand je te dis, il tire à plus de 1000 mètres dans la série, donc vraiment super bien. Donc c'est un scénario de John Alvin, Jonathan Lakeham, Emden Eferio, T.J. Brady, Richie Sorensen et Dara Rengist. Donc c'est avec Lexi Holker, Ryan Phillippe, Chantel Vaxen, Cynthia Adage Robinson, Eddie McClinock et Omar Epps. La durée du film est de 7 heures, la musique est de Bobby Creek. Donc l'éditeur c'est Paramount Pictures Universal, donc encore merci à eux. Donc il y a quand même quelques épisodes, hein. Sniper contre Sniper, Point of Impact, Le Prix au Piège, etc. Donc des super séries que je vous conseille et encore merci aux partenaires. Et donc ça sort bientôt, très très très bientôt. Donc la date sera communiquée, donc le 12 septembre 2017. Donc là, on va se quitter avec Fioco, avec Aflito. Ciao, ciao. Yo.